enfoiré, cours, cours, enfoiré, cours, cours, enfoiré, cours, cours, enfoiré, cours, enfoiré, cours, cours, enfoiré, cours, cours, enfoiré. J'ai les couilles pleines, le cerveau vide, le cœur plein de haine et les nerfs solides, atmosphère torride, petite paye pour gros risque. Appelle-moi Lyrics grossiste ou petit teigne terroriste. Kamikaze ami, ma manière d'opérer, short du maquis en Armani, Gianfranco Ferré. Parle-moi de Moni l'ami, c'est tout ce que j'ai en tête. Ma philosophie c'est Gandhi avec un AK-47. J'aime pas voir des mains traîner du côté de mon assiette. J'tranche, te fais danser au son de la machette. J'enclenche puis au plancher, j'veux manger, m'venger. J'suis dérangé, t'es en danger, même au fond ta cachette. Ici c'est sud crade, de tous les côtés ça craque. Ça deal, ça vole et ça braque, les pirates partent à la gratte. Combat si tu veux ta part, rends-toi si tu veux pas de drame. Chacun son gun ou sa lame, tes cris se noient dans le vacarme. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Sauf qu'on reprend ton cachet, va plutôt nettoyer ta femme. J'arrive les deux majeurs en l'air, sans gêne et sans état d'âme. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Et les écoliers d'hier se mettent à trafiquer la cam. Non, son pollue l'atmosphère et fait fondre le macadam. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme. Viens nager dans les grands fonds, regarde les sourires carnassiers. J'ai les dents longues, le mental et les mâchoires en acier. J'mors et j'm'arrête pas tant que j'ai pas assez ramassé. Ou qu'ils m'foutent en camisole dans une cellule matelassée. J'marche entre les rapaces, les hyènes et les panthères. Moi j'veux ma place au sommet de la chaîne alimentaire. J'veux pas faire du surplace, ramer toute ma vie entière. Mais pas ton calibre en l'air, shoot-moi si tu si gangster. Y'a le chien de la casse et le chien de la douane. Moi j'fracasse, ne fuis pas mon calme, padawan. Ça parle de calme et d'armes. De braquage et de cardiaque, Porsche 4x4, grosse lias, grosse biatch à 4. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Sauf qu'on reprend ton cachet, va plutôt nettoyer ta femme. J'arrive les deux majeurs en l'air, sans gêne et sans état d'âme. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Et les écoliers d'hier se mettent à trafiquer la cam. Non, son pollue l'atmosphère et fait fondre le macadam. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme. Cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours enfoiré, cours, cours. Ici c'est sud crade, de tous les côtés ça craque. Ça deal, ça vole et ça braque, les pirates partent à la gratte. Combat si tu veux ta part, rends-toi si tu veux pas de drame. Chacun son gun ou sa lame, tes cris se noient dans le vacarme. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Sauf qu'on reprend ton cachet, va plutôt nettoyer ta femme. J'arrive les deux majeurs en l'air, sans gêne et sans état d'âme. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme. Sur le bitume c'est bouillant, c'est trop chaud, ça y est ça crame. Et les écoliers d'hier se mettent à trafiquer la cam. Non, son pollue l'atmosphère et fait fondre le macadam. Allumer les fumigènes, sonner l'alarme.